Chapitre 3e. Ce matin, le temps est magnifique. Vers 9h, les Michauds lèvent le camp. Ils ont décidé d'aller visiter les caves de Roquefort et seront absents toute la journée. Quant à nous, nous les connaissons déjà, ces caves. La température glaciale et le parfum du fromage, c'est trop pour Gigi et moi. Alors que nous émergeons gentiment, j'entends, venant du chemin, un « ouh » lancé par une voix jeune et féminine. La silhouette fine et déliée de Maud se profile au début du chemin qui mène vers la maison. Comme à son habitude, la fille avance, tête baissée, telle une espèce d'échassier qui essaierait de prendre son envol, les deux mains en équerre, de chaque côté du corps, paume vers le sol. Lorsqu'elle parvient à ma hauteur, je remarque un bout de tuyau Plymouth passé en travers de sa ceinture. « Oh Maud, tu viens faire une réparation ?» lui dis-je en montrant le tuyau. « Non, bonjour quand même. » Maud ne me répond pas et continue à regarder le sol à travers ses cheveux en restant plantée devant moi. « Tu veux me faire plaisir, Maud? Mets tes cheveux en arrière, qu'au moins je puisse boire ta frimousse. » En réponse à ma demande, elle balance sa masse de cheveux en arrière d'un brusque mouvement de tête et de ses yeux verts, légèrement plissés, plante son regard dur et transperçant dans le mien. « Ah, voilà, fais-je, comme ça au moins on voit comme tu es jolie. » C'est vrai qu'elle est réellement belle, mais inquiétante. Et là, sans dire un mot, elle m'agrippe les cheveux des deux mains et me roule un palot comme jamais ça ne m'était arrivé. J'ai l'impression qu'elle me pénètre brutalement, avec une violence inouïe. C'est tellement soudain et sauvage que je me retrouve dans la peau d'une femme agressée par un salopard lubrique et brutal. Et il me semble que ce baiser, peut-on appeler ça un baiser, dure une éternité et que je vais finir par y laisser la peau. Brusquement, elle repousse mon visage en m'en tirant par les cheveux et me regarde de ses yeux froids. Un serpent, voilà, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir été mordu par un énorme serpent, qui maintenant me regarde en attendant mon agonie. Elle me lâche enfin les cheveux et de sa main plaquée sur mon visage, me repousse si violemment que je manque tomber à la renverse. Même de la part d'un homme, je n'ai jamais ressenti une telle bestialité. Puis, elle saisit le bout de tuyau à sa ceinture et me le met sous le nez. Tu vois ça? C'est pour te massacrer, si jamais tu oses me toucher. Puis elle me dépasse et se dirige vers la maison de son pas de flamant rose, comme si rien ne s'était passé. Et moi, je suis là, au milieu du chemin, les bras ballants, comme un con, complètement ensuqué. Je n'ai eu aucune réaction. Un serpent, voilà, encore la même sensation. J'étais littéralement hypnotisé, moi, un mec de 50 berges. Petit à petit, je reprends mes esprits et me dirige à mon tour vers la maison. Je m'effondre sur une chaise près de la fenêtre de la cuisine pour me concentrer sur l'événement et l'analyser plus calmement. Il est clair que cette gamine est totalement barge. Sous des dehors de sainte nitouche, elle cache une nature violente et sexuellement dérangée. Il faut absolument que j'en parle à Gigi, même si elle doit prendre la colère. J'en toucherai aussi un mot à Serge. Qu'il se méfie, on ne sait jamais ce qu'elle pourrait faire avec lui. Tu ne vois pas qu'elle aille lui démonter le carafon coup de tuyau? Cianpouli, tiens, nous sommes beaux. Au bout de quelques minutes, je commence à percevoir la discussion que Gigi et Maud ont dans la cuisine. Tu ne t'es pas fait d'amis dans ton centre là-bas? Demande Gigi. Non. En général, ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Chacun vit dans sa bulle. De sorte que tu t'enquiquines un peu. Dis plutôt que je m'emmerde comme un rat mort, oui. « Mais tu as essayé au moins, jolie comme tu es. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un mec qui ne te colle pas un peu. »« Oh, alors ça, je m'en fous complètement. »« Pourquoi? T'aimes pas ça? Tu préfères les femmes ?»« Risque pas, Burke. En fait, je n'aime pas qu'on me touche. »« Eh ben, ma pauvre, tu ne sais pas ce que tu rates. »« Pourtant, avec ton fiancé, tu ne faisais pas que du tricot, non ?»« Ça, c'était avant. Et maintenant, c'est comme ça. Tu comprends? Non ?» Eh bien, il n'y a rien à comprendre. De tout temps, qu'est-ce que ça peut te faire? Ne le prends pas mal, Maud. Moi, je disais ça parce que tu as l'air de souffrir d'être seule, c'est tout. J'aime être avec les gens qui me plaisent et il n'y en a pas beaucoup. Alors moi, je te plais, et Sylvia aussi? Oui, vous m'avez tout de suite plu. Et nos hommes, ils ne te plaisent pas? Les hommes, c'est pas pareil. Je m'en méfie. Ils sont tous des salauds. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Et t'as jamais envie de... Si, mais c'est trop dangereux, trop compliqué. Derrière la fenêtre, les oreilles bien ouvertes. je commence à mieux cerner la personnalité de Maud. Son agression vis-à-vis de moi s'explique en partie. Elle a envie, mais la peur de quelque chose et l'aversion la pousse à rejeter sa pulsion par la violence. De fait, c'est aussi une violence contre elle-même qu'elle exerce. Les cheveux dans les yeux, c'est pour cacher sa beauté, qui ne peut qu'attirer le mâle, ou voir la femelle. Deux entités avec lesquelles le contact physique lui paraît fatal. Et pourtant, de temps à autre, sa libido doit exploser hors des barrières qu'elle lui a dressées, et générer des comportements violents et désordonnés. Cette psychose peut-elle la conduire jusqu'à l'acte criminel? En tout cas, elle en a la force et la brutalité requises, elle me l'a prouvé. Comme commandé par télépathie, Gigi lui demande. À part toi, t'as pas idée des gens du coin qui pourraient nous connaître? Enfin, je veux dire, qui savent ce que font Serge et Gino? Tu n'as parlé de nous à personne. À qui veux-tu que j'en parle? Même ma copine Maryse, qui dort dans la chambre à côté de la mienne, je ne l'ai pas vue. Puis, au bout de quelques secondes, elle lâche. Ce ne sont peut-être pas des gens d'ici, mais des personnes qui vous connaissent de Marseille et qui sont aussi en vacances, comme vous. Pétard, la bonne observation que voilà. Faut que j'en touche un mot à Louis. Elle n'est pas bête, cette gamine. En tout cas, madure comme elle est, il ne manquera plus qu'elle ne joue les arapèdes pendant tout le séjour. Il faudra qu'on mette les choses au point avec les autres. Pour sortir de ma torpeur, il faut que je me bouge. J'écarte le rideau en perle de bois et entre dans la cuisine sans regarder Maud. Je vais aller faire les commissions. Passe chez le boucher, tu me prends 4 tranches d'aloyau. J'en mixerai un petit bout pour Lisa. Tu ne veux pas aller avec lui, Maud? Non, dis-je, péremptoire. Intrigué, Gigi reste avec sa tasse en l'air et nous regarde tous les deux. Ah bon? Fait-elle. À l'insu de Maud, je lui lance un clin d'œil significatif pour qu'elle commence à se poser des questions. Quant à Maud, elle ne manifeste aucune réaction. « Eh ben moi, je veux bien aller avec lui », fait Paula, qui finit de se coiffer en entrant dans la cuisine. En descendant, au fil des lacets, je mets Paula au courant de ce qui vient de m'arriver. Sa première réaction est de se marier comme une baleine. « Oh, fan! Latin lover qui se fait agresser par une nénette! C'est pas un de tes fantasmes, ça! Te fous pas de moi !» Je te jure que ça m'a complètement estrandiné, ce truc-là. Non, je comprends que ce doit faire bizarre quand on ne s'y attend pas. Mais elle est un peu jobarde, cette fille. C'est pas pour rien qu'elle est en cure chez les fondus. Tu vas le dire à Gigi? Bien sûr, et à Serge aussi. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qu'elle est capable de faire. Oh, attends, c'est tout de même pas la mort du petit cheval. Et les tuyaux? Qu'est-ce que tu en fais du bout de tuyau? Elle plaisantait, peut-être. Non, je te jure que dans ses yeux, il n'y avait aucun humour. Je garde la bagnole en face du parc des châtaigniers et nous allons directement chez Norbert le boucher charcutier, l'archétype de la brute gauloise. Front bas, œil torve, sans un éclat d'intelligence, moustache pendante. Sa panse agressive n'arrange rien. L'autre fois, Louis m'a mis au parfum sur cet autochtone haut en couleur. C'est un excellent boucher et un charcutier hors pair. Il aime son métier, mais ne sait pas se faire aimer des autres. La seule raison qui lui conserve sa clientèle, c'est bien sûr la qualité de sa barbaque et la saveur de sa charcuterie, mais certainement pas son sourire et son amabilité, deux mots qu'il ne doit pas connaître. Il est seul à tenir le magasin. Il travaille dans son labo la nuit, ce qui arrange bien Denis, son épouse, qui peut dormir tranquille. Elle se réserve la tournée avec le camion dans les villages avoisinants, à grands coups de klaxon qu'elle agrémente des « Adessia, mamé !» ou « Alors, papé !» Elle est unanimement appréciée, grandement aidée en cela par son physique et son sourire généreux. Les vieux mâles du coin lorgnent autant ses jambons que les trésors cachés sous sa blouse. En sortant, je décide de passer dire un petit bonjour à Louis, pour savoir un peu où en est son enquête, et lui toucher un mot de la même mode. Nous nous engageons côte d'Olas, derrière le parc des Châtaigniers, pour entrer dans l'antique et austère gendarmerie. Oh malheur! Si je devais travailler là-dedans, je crois que j'en mourrais. Moi qui ai la chance, avec Serge, de voir arriver et partir les bateaux sur la mer ensoleillée. Louis, tout content de la présence de Paula, nous fait les honneurs de son logis. C'est immense, fait Paula, et vous avez des meubles magnifiques. Ce sont des souvenirs de famille. Ils en ont fait des kilomètres aux quatre coins de la France. Heureusement que je ne payais pas les déménagements. Puis, après un silence, il nous fait sur un ton un peu triste. Ils ont mieux supporté les voyages que ma femme, qui m'a quitté, lassée par les déplacements. « Ça vous plaît ?» demande-t-il à Paula, en montant son salon d'un geste circulaire. « Oui, mais pour la vue, ce n'est pas formidable, » fait-elle en regardant par la fenêtre. « Et puis il manque la mer, de toute façon. »« Ah, moi aussi, j'adore la mer. J'ai été en poste à Banyuls. Je m'y suis régalé. Ça vous aurait certainement plu. Chez moi aussi, c'est joli à saucer les pins. Venez voir, je suis sûr que ça vous plaira aussi. » C'est une invitation, fait Louis, tout sourire dehors. Leur conversation à l'eau de rose commence à me nifler grave. Bon, je vous laisse. Paula, je viendrai te chercher ce soir. Oh pauvre, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Là, Paula prend la mouche. Gino, tu pousses un peu loin là. Je ne te croyais pas aussi lourd. Dans le fond, t'es qu'un paysan. Bon, excuse et assez déconné. Louis, où tu en es de l'enquête? Au point mort. Pas de témoin. Personne à part vous n'a vu la voiture. Pas de traces, pas de dénonciation. Silence radio. La dernière personne à avoir vu la victime est son amant. Et les tours de cause. Nous avons mis la sœur de Colette sur le grill. Et elle nous a lâché les noms de deux autres amants qui ont des alibis en béton armé. L'un est un prof qui faisait cours à l'heure supposée du crime, et l'autre était au CHU de Montpellier sur le billard. Tu parles. Quant au tampon, il n'y a pas de traces dessus. Dis-moi, Louis, il m'est venu une idée. La personne qui m'a mis le mot dans la méharie est peut-être quelqu'un qui nous connaît de Marseille et qui séjourne dans le coin. Tu ne peux pas faire effectuer un recensement rapide des Marseillais actuellement présents dans les alentours. Hors de question qu'on passe la commune au peigne fin. Mais je demanderai à mes hommes d'avoir l'œil, au cas où. Tu sais qui m'a donné cette idée? C'est la petite Maude. Oh pauvre, celle-là, elle est complètement cintrée. Tu l'as dit bouffi. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Et là-dessus, je lui raconte l'épisode du baiser bipérin et la menace tuyautée qui s'ensuivit. Oh, Macarel! Elle s'est encore servie d'un bout de tuyau. Tu sais qu'elle est déjà sous le coup d'une plainte à ce sujet? Et Louis me raconte les exploits de Maude. Un beau matin, elle est prise en stop par un jeune. Une fois dans la voiture, elle dégrafe sa chemisette et met ses seins à l'air, prétextant qu'elle a chaud. Le mec, croyant que c'est arrivé, tente d'apprécier la qualité des cantaloups. Aussi sec, Maude lui massacre le bras à coups de Plymouth. Double fêlure du radius. Le type a immédiatement porté plainte avant d'aller se faire soigner à Ganges. Louis a sermonné la fille, il a expliqué au gars qu'elle était un peu dérangée, et finalement, la plainte a été retirée. Si je comprends bien, elle allume et après elle t'allume à coups de tuyau, c'est ça? Ouais. Je me suis renseigné à son centre de cure. C'est une espèce d'anorexique du sexe. Elle a dessous d'une pulsion et dès que les choses deviennent concrètes, elle rejette furieusement tout contact en devenant violente. Exactement comme une anorexique qui s'empiffre en une minute et qui va tout vomir tout de suite après. Fan de pétan, je l'ai échappé belle. Dans le fond, elle a été clémente avec moi. Elle a subi un choc psychologique à la suite d'un mariage raté. Oui, je sais, je l'ai entendu le raconter aux femmes. Le traumatisme lui a détraqué la libido. Elle en a conçu une méfiance viscérale des hommes. Elle fraye avec eux, mais dès qu'elle sent qu'elle leur plaît ou qu'elle pourrait leur plaire, elle fuit comme un oiseau apeuré. Avec Serge et moi, elle doit se sentir en confiance. Chacun de nous a une si jolie femme qu'elle doit penser qu'elle ne peut nous intéresser. Elle doit se dire qu'elle est à l'abri d'une tentative de notre part. Quant à Michel, il est tellement ours et tellement misogyne qu'elle pense ne rien risquer avec lui. Elle a peut-être retourné son intérêt vers les femmes dont elle n'a rien à craindre. Enfin, en principe. Ce matin, elle a dû avoir une poussée libidineuse et, crac, j'en ai fait les frais. En tout cas, si je la chope encore avec un tuyau, je la mets à l'ombre pendant au moins 2 jours. Tu crois qu'elle peut avoir les mêmes réactions avec les femmes? Je vois où tu vas en venir. Je ne sais pas si la Colette marche à voiler à vapeur. Si c'est à ça que tu penses. Et puis un bout de Plymouth, c'est tout de même pas une clé à griffe. De toute façon, comment Maud serait allée sur le plateau? Ben en stop, tiens. Avec Colette, justement. À l'allée, Colette s'arrête et prend Maud qui fait du stop au bord de la route. Attirée par la petite, elle lui fait du gringue dans la bagnole. Maud ne mouffe pas mais repère la clé qui traîne sous le siège. Au retour, Maud fait toujours du stop pour redescendre. Cette fois, Colette s'arrête pour la prendre, pensant qu'elle va pouvoir la brancher. Mais non, Maud ouvre la portière, saisit la clé sur le plancher et sans prévenir, lui file un pastisson terrible sur le carafon. Et après Couillosti, elle redescend à pied au Vigan sans que personne ne la voie ni ne l'embarque. Non, ça ne va pas ton truc. Et tu vas me dire ce que Maud aurait été foutre à Montardier? et Anabas, en plus, cueillir du thym, peut-être. Et ce serait elle qui aurait écrit le billet de Gino, me fait Paula, ce n'est pas son écriture. C'est peut-être quelqu'un qui l'observe, la téléguide en quelque sorte, et qui sait, qui met en scène la rencontre. Ouh là là, tu dépales complètement, et le tampon. Comme par hasard, Maud avait un tampon sur elle, histoire de tamponner. Non, Gino, encore une fois, tu regardes trop de séries policières. Ici, on garde les pieds sur terre. J'éclate de rire. C'est vrai que pour le coup, j'étais un peu loin cette fois. Mais ça fait tellement du bien de gamberger tous azimuts. Après tout, c'est quelquefois comme ça qu'on trouve une solution, non? Allez, il faut que je rapporte la barbaque à ma chérie. Adécias, Louis. Louis retient Paula par l'épaule. Puis-je vous inviter à dîner, Paula? Nous pourrons discuter sans la présence de ce rabat-joie, fait-il en me désignant. Quand vous voulez, Louis, je suis libre comme l'air. Eh bien, disons ce soir. Nous allons inaugurer un nouveau restaurant de spécialité régionale qui vient d'ouvrir. Ce sont des Parisiens qui l'ont ouvert, alors je ne garantis rien. À midi, avant le repas, je prends Gigi en aparté en préparant le feu dans le barbecue. Je lui raconte rapidement l'épisode du baiser du serpent. De prime abord, la réaction est vive et musclée, et je suis obligé de la retenir fermement par le bras pour éviter qu'elle aille mettre une grosse tête à Maud. Elle s'en prend alors à moi, m'accusant d'avoir provoqué la gamine. Ah, jalousie, quand tu nous tiens. Ce n'est qu'au bout de 5 bonnes minutes que je réussis à lui expliquer la conduite pathologique de Maud. Eh ben, fait-elle, on est beau, tiens. Il y a quand même des gens bizarres dans ce patelin, je te le dis. Il faut que tu te méfies d'elle. Surtout ne lui dis rien, mais sois prudente, ok? Et puis, il faudrait obtenir qu'elle espace un peu ses visites, parce que dans le genre pégon, on ne fait pas mieux. Et tu crois qu'elle aurait pu... Je ne sais pas, Gigi. Louis est dans le coltard, et pour l'instant, c'est le noir complet. Je crois qu'il faut que nous prenions un peu de recul avec cette affaire, et d'un autre côté, nous sommes en vacances, et devons profiter du site et de ses curiosités. Je lance une idée de sortie. Cet après-midi, nous allons à la Couvertoirade. Tu viens avec nous, Paula? Ok. Il paraît que c'est très joli. Vers midi, en attendant le repas pour m'isoler un peu, je vais m'asseoir sur un banc au bord de la route montant de la vallée. Ce panorama me repose et me calme. Un brave pépé, déjà assis sur ce banc, et semble s'accrocher la vie par les poils de sa moustache en se tenant à sa canne. Au soleil, j'engage la conversation. Je l'aide à se lever pour partir, et en échange, il me laisse le canard du jour qu'il vient de lire. Par désœuvrement, je le feuillette et tombe sur un titre qui fait monter ma tension à des pics vertigineux. Révélation sur le crime du Vigan. La rédaction de notre journal a reçu hier en fin de soirée un courrier non signé tapé sur une vieille machine à écrire. Ce courrier ne manquera pas d'intéresser nos lecteurs et apporte un éclairage nouveau sur le crime de la femme du Vigan. Nous vous le livrons in extenso. Le présent courrier a pour but de vous éclairer sur le crime de la femme en pays viganais. L'appareil judiciaire vous a caché beaucoup de choses et je préfère vous mettre moi-même au courant de certains détails importants de l'affaire. Sachez d'abord que l'assassin n'a pas choisi sa victime pour ses mœurs et ses pratiques sexuelles. Son mobile est beaucoup plus complexe et devra être découvert par l'enquête. L'assassin n'est pas un maniaque brutal doublé d'une bête sexuelle, non. Il a frappé sa victime à la tête car tout homme sensé sait bien qu'une bête nuisible doit être frappée à la tête pour être éradiquée. La victime n'a pas été violée et aucun attouchement n'a été pratiqué, hormis le coup fatal et rédempteur qui lui a été porté. Elle a été marquée du sceau du cobra, le serpent mangeur. Elle a été affublée d'un qualificatif qui lui convenait parfaitement. Salope, mot écrit directement sur sa peau. Avant ce crime, un message annonciateur et sibyllin avait été envoyé, certes non directement aux gendarmes, mais ces derniers auraient pu en tenir compte. Au lieu de cela, les pouvoirs publics, croyant tout contrôler, ont eu ces détails qui auraient pu faire avancer l'enquête avec l'aide des journalistes, par exemple. L'affaire n'est pas terminée et je ne peux que vous conseiller désormais de ne pas vous en laisser compter et d'exiger les informations auxquelles la presse a droit. Nous n'avons qu'une raison de mettre en doute les informations données dans cette lettre. Il est certain que les instances judiciaires ont pratiqué un blackout complet sur cette affaire qui d'emblée ne nous apparaissait pas si simple. La thèse du crime passionnel commis par le mari trompé ne correspond plus aux données du problème. Julien Mande sera-t-il victime d'une erreur judiciaire? Nous ne manquerons pas de tenir nos lecteurs au courant de tout nouveau développement. Je replis le journal et réfléchis. Il est clair que l'assassin, n'ayant pas eu la publicité escomptée avec son billet doux et sa mise en scène, est obligé de faire le boulot lui-même et passe directement à l'action en s'épanchant auprès des baveux. Ça ne va pas faire l'affaire de Louis, cet article-là. Encore heureux que ce dingue ne m'ait pas cité comme destinataire de ses messages. Encore une fois, tout laisse penser que cet assassinat n'est pas un crime de maniaque, mais une vengeance, une expiation, puisqu'il emploie le mot rédempteur. Il a écrasé la tête d'un animal nuisible. Mais en quoi cette femme lui avait-elle nui? Malgré mon trouble, je suis assez satisfait de constater que toutes nos conjectures étaient fondées. Quel métier, tout de même! De toute façon, plus l'affaire avance, plus elle disculpe le mari qui fait tache dans le tableau qui se dessine peu à peu. Rentré dardard à l'hostal, je tends le midi libre à Serge. « Tu as lu ?»« Non, c'est quoi ?»« Là, » fais-je en montrant l'article du doigt. Dès les premières lignes, Serge réagit. « Oh purée !» Il lit le reste en silence, puis plie calmement le journal. « Eh ben c'est Louis qui va être content. J'ai bien peur que le juge et le proc ne lui tombent sur le paletot. » L'après-midi, comme prévu, toute la sainte famille se rend à la couvertoire rade. Après être passé par le tunnel d'Alzon et l'ancienne gare de Nantes, nous arrivons en vue de l'ancienne commanderie des Templiers. On peut se demander ce que ces braves frères guerriers venaient glander sur un plateau si paumé. Mais à y regarder de plus près sur les cartes, on se rend compte que la stratégie d'occupation du territoire n'a pas été inventée par Carouf ou le Crédit Agricole. Érigée au milieu du plateau et assez bien restaurée, cette commanderie n'abrite plus de croisés, mais bien des marchands du temple qui ont ouvert des échoppes au détour de chaque venelle. Qui sait s'ils ne perpétuent pas à leur manière les galeries marchandes de l'époque médiévale? Les potiers succèdent aux fabricants de sandales, aux vrais et faux faiseurs de bijoux, de saucissons, de couteaux de tous les coins de France, bref, à tout ce qui peut mélanger folklore, terroir et business. Quand on aime les vieilles pierres, on ne compte pas. Et puis les souvenirs, c'est plus facile à garder dans un tiroir que dans la tête. Bien que n'étant pas dupes du système, nous acceptons tout de même de jouer les chalands puisque certains jouent les marchands. Dans une des boutiques spécialisées dans les articles en bois, surtout en provenance nordique, j'avais une série de tampons de caoutchouc montés sur des cubes de hêtre. Certains représentent des fleurs, des animaux, des lettres. Pris d'une soudaine inspiration, je demande au marchand s'il n'a pas l'exemplaire représentant un serpent. Après vérification et réflexion, il me déclare « Non, je n'en ai pas, mais j'en ai eu, il y a longtemps. » Et il représentait quel serpent exactement? Des serpents à lunettes, des najas ou des cobras, je ne sais pas comment on doit dire. C'est pareil, de toute façon. Sur un des pliants que j'ai pris dans une autre boutique, je lui fais un dessin du mieux que je peux en tirant la langue. C'était ça? Oui, voilà, exactement. Et l'homme d'un âge avancé me regarde d'un drôle d'air. Je crois qu'il est en train de se demander si je ne suis pas un peu frappé sur les bords. Pour le rassurer, je lui glisse. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dingue. C'est un souvenir qui remonte à loin. Mais vous savez, je n'ai cette boutique que depuis 2 ans. Ces tampons remontent à plusieurs années, du temps où je faisais les marchés. Et vous faisiez celui du Vigan? Ah oui, toujours. Justement, je me souviens que j'en avais vendu plusieurs le même jour. Tous ceux que j'avais d'ailleurs, si je me rappelle bien. Vous m'en aviez acheté un? Oui, oui, justement, et je l'ai perdu. Grand mensonge. Après avoir réfléchi en regardant le sol, le gars me dit « Oui, maintenant ça me revient bien. C'était une bande de jeunes qui étaient venus m'en acheter, des garçons et des filles. D'ailleurs, après ça, je crois que j'en ai plus. Et je n'en ai plus jamais vendu. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Pauvre, ça remonte à 20aine d'années au moins. » Fait-il avec un sourire attendri. Une fois dans la ruelle, je mets fiévreusement la bande au courant de ma découverte. Il y aura donc au Vigan plusieurs personnes d'une 40aine d'années qui sont susceptibles de posséder un tel tampon. Et apparemment, les possesseurs se connaissent entre eux puisqu'ils les ont achetés en même temps. Le vieux a bien dit une bande de jeunes. Une bande, c'est vague. Au moins 4 ou 5, non? Ouais, au moins, évalue Serge. Nous revenons au Vigan, passant par Nantes et Saint-Jean-du-Bruel. De villages avéronnais qui ont gardé leur cachet et parfait pour des extérieurs de films sur la France profonde sous l'occupation. Le soir, Louis nous rejoint pour venir retrouver sa dulcinée et la ramener à sa cagna. « Tu as lu l'article du Midi Libre ?» lui dis-je, d'entrée de jeu. « Ouais, quelle merde ! Fallait s'y attendre, remarque. Pas de problème avec le juge et le proc. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Ça faisait partie de la stratégie. Mais nous avons riposté, t'inquiète. Et comment ? Nous avons envoyé un communiqué qui paraîtra demain et dans lequel nous insistons sur le fait que nous n'ignorons rien des motivations du tueur et qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un crime de maniaque sexuel, mais d'un règlement de compte. En gros, on dit que c'est un crime passionnel signé, que la ménagère du Vigan n'a rien à craindre et que l'enquête ne va pas tarder à aboutir. Je lui raconte alors l'épisode de la couverture rade. « Quelle fouille merde, celui-là tout de même !» fait Louis. « Tu finiras toujours par trouver quelque chose. Mais enfin, je dois reconnaître que cette fois-ci, ça peut nous mener quelque part. »